Yeah, feel me? Yeah. À part ça. À l'école, ils ont coupé l'arbre. Comment choisir ma branche? À trop haïr les noirs, Le Pen fait des nuits blanches. Combien de portes j'ai ouvert? Combien de bouches j'ai fermé? Combien de darons sous terre? Combien de pères enfermés? Tu ressens ce vide souvent quand les huissiers partent. J'ai mangé des pierres, mais j'ai jamais chié d'appart. La rue, c'est la jungle et je me tape la part du lion. J'ai fait le tour de l'Afrique, j'ai le flow Western Union. Frère, je suis pas un blood, mais j'ai fait couler le sang et pas qu'un peu. Toujours en rouge depuis que les clubs s'habillent en bleu. S'il doit en rester qu'un, je voulais pas être l'élu. J'avance en regarder derrière, mon propre frère ne l'est plus. Quand la sincérité marche, la jalousie court. J'ai bossé toutes les nuits pour que mes disques voient le jour. Tu veux clasher Fouini Bay, prends un ticket, fais la queue. Et ne y'a toujours pas de ballon dans Ligue 2. Yeah. Et si les portes se ferment, même dans la merde, frérot, n'oublie jamais. Yeah. Fais ton chemin, n'écoute pas les gens. Le respect avant l'argent, frérot, n'oublie jamais. Mais frérot, quelle que soit la peine, pourvu que les parents tiennent, jamais renoncer. Ils connaissent le refrain, ils savent que je viens de loin. Frérot, malgré mon teint, personne n'a pu me stopper. J'ai commencé en bas de l'échelle, on donnait pas cher de ma peau. Je me rappelle des pattes, des couloirs et des yo-yo. Filtre Marocco, je monte pas sur scène sans lodo. Frère, j'ai pas changé, je mange toujours des bananas locaux. Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Algérie, Tunisie, Mauritanie, Bénin, Guinée, Conakry. En foutant ça lune rebiais, nous suffisait pour collerie. Je repense à la prison, au foyer, aux frères qu'on m'a pris. Je suis qu'un petit rappeur, j'aurais pas le prix Nobel. Mais quand je sors l'album, c'est le jour de l'an, la hit Noël. Petit refrain fougueux, blanc, renois ou robeux. Drôle de parcours, le son tourne dans le Clio 2. Toujours pas tatoué, les marques sont à l'intérieur. Nouvel album, cantine extérieure. Les rageux veulent ma peau de platine. Partir au top tôt comme James mais dans le Dean. Yeah. Et si les portes se ferment, même dans la merde, frérot, n'oublie jamais. Yeah. Fais ton chemin, n'écoute pas les gens. Le respect avant l'argent, frérot, n'oublie jamais. Mais frérot, quelle que soit la peine, pourvu que les parents tiennent, jamais renoncer. Ils connaissent le refrain, ils savent que je viens de loin. Frérot, malgré mon teint, personne n'a pu me stopper. Dans quel monde vit-on? Élevé dans un hall, j'ai fait des allers-retours, j'ai chanté quel est mon rôle. Je voulais prendre mon envol, mais pas comme Malia. Les petits du quartier veulent tout signer comme Bakary Sania. Et quand je regarde ma vie, je me dis c'est la folie. Je repense au bâtiment F, aux frères de Mante la Jolie. Aux grands qu'on a perdu, au drame, au fléau. Ma liberté s'éloigne quand s'approche la Mondeo. S'en sortir, côtoyer le pire. La misère m'inspire, trimer, réussir. À vivre de peut-être, les parents s'endettent. C'est noir dans la tête, les jours se répètent. Vouloir s'en sortir, côtoyer le pire. La misère m'inspire, trimer, réussir. À vivre de peut-être, les parents s'endettent. C'est noir dans la tête et les jours se répètent. Et si les portes se ferment, même dans la merde, frérot, n'oublie jamais. Fais ton chemin, n'écoute pas les gens. Le respect avant l'argent, frérot, n'oublie jamais. Mais frérot, quelle que soit la peine, pourvu que les parents tiennent, jamais renoncer. Ils connaissent le refrain, ils savent que je viens de loin. Frérot, malgré mon teint, personne n'a pu me stopper. Personne n'a pu me stopper. Le refrain, ils savent que je viens de loin. Frérot, malgré mon teint, personne n'a pu me stopper. Personne n'a pu